power. Another day. Try it. trust. I need to trust you. Yeah, keep progress. Evolution. God, no master, try it, experience it, sound, sensation. Cherchant le bien, occupant, sans réponse évidente, sans évidente réponse. De l'amour, avec un clavier, une guitare, une basse, des percussions, complémentarité, sérendipité. Par hasard. maintenant. Even now. Even now. I try. I fail. I try again. I love. Oh. Classic Alpha, Omega, Omicron, les musiciens passent au-dessus. Camarade, give me your hand. Bientôt. donne-moi ta main. Une fois.